Il dit, il est rendu au maximum. De son évolution. De son évolution. Et puis, il peut pas aller plus loin. Elle peut pas aller plus loin. Non. C'est impossible. Non. Ça veut dire que les hommes, à un moment donné, ils peuvent arrêter d'évoluer, non? Ou son évolution, elle est complète. À un certain moment, si l'ego va sur le plan de l'âme, okay, s'il monte, puis monte, puis monte, puis monte, puis à un certain moment, c'est tellement beau, là, qu'il est pogné, là. Il peut plus évoluer. Fait que s'il peut pas évoluer, éventuellement, il pourra pas arriver au plan de l'âme où il doit centrer tout son esprit et déchirer par lui-même le voile qui entoure l'âme, qui est la septième initiation. Parce que c'est l'ego qui déchire le voile de l'âme. C'est l'ego. C'est ça la grande... C'est là qu'un être devient descendant. Un être descendant... Vous ne direz pas, mais c'est quelque chose. C'est que... Quand un être est rendu... Quand tu deviens descendant, là, tu n'as plus rien à demander à personne. C'est tout. Fait que tu sois sur le plan matériel, que tu sois sur les autres plans, sur le plan astral, sur le plan mental, n'importe quel plan, tu commandes toujours à l'intérieur de ta limite. Et ta limite est toujours déterminée par le niveau évolutif de ton âme. Un exemple, le Christ. Le Christ, qui est un grand fils créateur, connaît. Il y a une limite, le Christ. Il y a sa limite. Elle est grande, sa limite. Mais il commande à l'intérieur de cette limite-là, puis on appelle ça un demi-homme. Puis un être descendant, tous les êtres descendants ont leur demi-homme. Mais comme tu dis, le Christ a une limite. Maintenant, ces grands hommes-là, ils ont des limites. C'est pas possible pour eux autres d'aller encore plus haut. À ce moment-là, mon oscillant maximum, c'est ça. Quand un ego est arrivé sur le plan de l'âme, non, je ne veux pas te voir, là. C'est mon joke. Continuez après. C'est l'heure, hein? Ouais. Là, vous allez aller dormir. Ben, allez-vous-en, ceux qui veulent dormir, allez-vous-en. Ouais, il y en a qui travaillent demain matin, je comprends ça. Mais il y en a qui travaillent pas, sinon ça sera un chômage. Continueront. Ceux qui veulent partir, peuvent partir. Après ça, ceux qui sont intéressés, le 15 février, on se rencontre à l'auberge de gouverneur pour une conférence générale. À 1h. Ah oui, ça commence ça? Je pense. 15 février. Oh. On va se voir, c'est ça, une fois hein? Donc, la prochaine, ce sera le 20. Je vais en faire à tous les mois, les conférences. Oui, tous les mois. José. À Hollywood. Oui, à Hollywood. Hein? Je pense que ça va être enregistré. Je commence à enregistrer tout mon matériel là, pour que ça vous reste après. Oui. Qu'est-ce que je disais, là? T'as quoi, là? On va parler de l'âme encore. As-tu fini? L'âme, descendant. Le Christ, quand tu dis, il y a un domaine qui est limité, là. Ça devrait demander ton opinion. Est-ce qu'il peut aller encore plus loin? Bon. Parlons d'exemple. Un âme, un être descendant. Un être descendant n'a plus de limite dans le temps. Son dominion est limité. Mais il n'y a plus de limite dans le temps. Ça veut dire que dans le temps, de l'évolution. Il se perfectionne, puis il se perfectionne, puis il se perfectionne, puis il se perfectionne, puis il se perfectionne. Il dit qu'on peut pas comprendre ça. Parce que c'est infini. Mais ça, j'allais dire, c'est sans fin. Ouais, c'est sans fin. Perfection. Mais il faut arriver au plan de l'âme. C'est ça que je veux faire comprendre aux gens qui sont dans les écoles ésotériques, puis qui étudient ces choses-là. De comprendre que à l'intérieur de tout ça, il y a des formes. Même si sont très hautes, très vastes, il y a des formes. Puis ces formes-là, il faut les détruire. Là, tu dis qu'il faut déchirer le voile. Faut déchirer le voile. C'est ça. Déchirer le voile. Ça, c'est intéressant. Parce que déchirer le voile, ça veut dire cinq choses. Déchirer le voile, c'est être un niaiseux. Non. Il y a un secret là-dedans qui vient de partir. Mais dis-moi en parler. Il y a un frère. Monsieur Blanc, qu'est-ce que tu as? C'est vrai que quand les cours, les affaires, ils respectent le champ de choses. Les phénomènes de drogue, c'est très bien. Phénomène de drogue, l'ego s'accroche dans l'astral. Mais ça retarde son évolution. Parce qu'il gèle. C'est terrible, là. La drogue, ça fait partie des fosses alimaniennes. Des fosses alimaniennes. Des fosses. Des fosses alimaniennes. Ça fait partie des fosses alimaniennes. Les fosses alimaniennes font partie des fosses sataniques. Les fosses sataniques font partie des fosses historiennes. Les fosses alimaniennes font les forces de la forme, les puissances de la forme, le mal de l'éther. Matériel. C'est matériel. Tout ce qui retarde l'évolution de l'homme. Et c'est pas dans la drogue que tu vas changer. Mais est-ce que ça peut créer. Ça va ouvrir des réseaux d'énergie dans le corps astral. Ça va vous rendre sensible au plan astral. Ça peut vous rendre sensible à des belles choses dans l'astral. C'est des femmes. Comme ça peut vous rendre sensible à des choses qui sont très laides dans la salle. Les gens appellent ça des portraits. Des bad trips. Des suicides. Des bad trips. Ouais. Hey, quand tu dis que tous les mots sont des prisons, c'est pas des mots dites faire. Tous les mots. Moi, je vous parle, hein. Puis je vous parle précisément, puis je vous dis ce que je veux vous dire. Mais les mots sont des prisons. Mais il y en a qui ont des techniques là, pour, disons, altérer, je sais pas, momentanément, ou plutôt, disons, chambrander certaines cellules pour ouvrir d'autres centres, si c'est à déconseiller. Il y en a qui ont des techniques. Tout ce qui vient en bas, c'est à déconseiller. Tout ce qui est lié à l'ego. C'est le temps de tout faire les choses. Tout ce qui est lié à l'ego, c'est déconseillé. Non. T'as pas déjà fait une cascade sur la droite, pis c'est la boîte? Ouais, je n'ai fait une. Je pense qu'elle va rentrer dans la destruction des formes comme ça, là, j'ai pas rien avec ça, je fais quatrième initiale. La destruction des formes, si t'es sur le plan matériel, si t'es en incarnation sur le plan matériel, tu comprends la loi de la destruction des formes. À ce moment-là, tu changes de cycle de vie. Éventuellement, tu l'as vu, t'as la seconde vue, tout est dans les terres. Tu deviens conscientisé. Tu formes une nouvelle race. Je parlais de déchirer une boîte, je parlais de la septième initiation. Je disais que. Déchirer le voile, ça fait partie de la septième initiation. Déchirer le voile, c'est pas la destruction des formes. Déchirer le voile, c'est initiatique. C'est occulte. C'est. Déchirer le voile, c'est un œuvre. Mais qui sert à une humanité. Une fois que tu as déchiré le voile, à ce moment-là, ça sert à une humanité. Mais ça, ça sert ça depuis chacun pour toi. Ouais. Parce que sur le plan humain, on pourrait comparer déchirer le voile comme sur le plan actuel, nous autres, on voit qu'il y a d'autres choses matérielles. Dans un sens, ouais. Ça qui veut passer outre. Ouais. Parce qu'on parle, la dame à soir, la dame de... Noire. Qu'est-ce qu'elle parlait avec moi? Tu m'as dit, vite, elle avait d'intelligence. Tu m'as dit, elle partait d'un plan psychologique, un plan intuitif. Hein. Ou elle parlait de liberté. Ou elle sent hein, un petit peu que c'est la liberté. Mais la liberté, être un agent libre, c'est au bout. Tu sais, quand vous avez une job, vous avez une job pendant 20 ans, vous avez un sacré job-là, là, la première journée, vous vous sentez bien. Hein. Bon, mais c'est un petit peu le même. C'est un petit peu comme ça, on fait une bonne. Ouais, moi, c'est 20 ans. Je t'en fais plus libre. Être un agent libre. Les hommes ne comprennent pas ça parce que dans notre évolution ancienne, dans notre évolution, on était dominé. Puis là, c'est le mouvement contraire. Là, on se libère. Puis quand on est libre, c'est tout un. La vie est fun. Super matériel, elle est fun. Peindre en haut, la sphère en haut, je m'en fous d'en haut, c'est. La septième initiation, après la libération de la forme de l'âme. Ah, mon Dieu, c'est ça que je t'ai dit tout à l'heure. L'ego rentre dans l'âme, c'est lui qui détruit l'affaire autour. C'est ça, la libération de la forme de l'âme. Là, je suis pas content qu'il t'avait dit. L'autre partie est simple. Cinq voiles. Cinq choses. Dans la libération de l'autre, pas ce qu'il va te dire. Ben oui, t'as compris. Il y a cinq choses là-dedans. Ça veut dire cinq choses. dans ce déchirement, dans cette voile-là, il y a 5 côtes. Il dit, je peux pas le dire. Pensez à ça, t'as l'air. Ils veulent pas te dire quelque chose, ils vont pas te dire. Je vais te dire pourquoi. Quoi? Il dit parce que ça fait partie du domaine supérieur de l'évolution et que ça ne doit pas être capté par les plans intérimaires. Parce que peux-tu comprendre? Ouais. Tu peux aller jusqu'au cinquième initiation, parler pour mal librement en haut de la cinquième. Ouais, c'est bien tard. C'est rien. Le savoir, est-ce que tu peux assimiler à la fusion? Moi, j'apprends de faire une émerge. C'est intéressant. Question. Le savoir n'est pas assimilé à la fusion. Si tu es fusionné, le savoir est parfait. Parce que si tu n'es pas fusionné, le savoir n'est pas parfait, mais il est grand. Je te donne un exemple. Je prends ma femme. Sur ma femme, c'est l'aide peut-être. Que je connais, là. Ma femme, son savoir, elle n'est pas parfait. Mais il est grand. Il est grand. Dans ce phénomène, quand tu es dans le grand savoir, là, ça veut dire que tu es sûr de ce que tu fais seulement. Tu es sûr d'être sûr, seulement tu pourras pas le faire avec la perfection que si tu étais fusionné. Parce que tu n'es pas le savoir. Parce que tu n'es pas le savoir. C'est ça, il y a des nuances à ce moment-là qui rentrent en jeu. Je comprends. C'est comme, je vais donner un exemple, je vais être graphique. Bon. C'est dans mes exemples. Supposons que le savoir, là, c'est de mettre le verre au centre. Moi, je mets. Moi, je prends. Ma femme, elle a le savoir, elle va le mettre. Il ne serait pas de talent au centre. Ben, il n'est pas au centre. Ouais? C'est pas. Ouais? Parce que quand il y a le savoir, il met au centre. Le savoir, il... ça se discute pas, le savoir. Il n'est pas complètement au centre que de la connaissance. Non, pas ajusté. Parce qu'il n'est pas ajusté. Tu sais, pas en fusion, fait que t'es pas ajusté. Tu peux avoir un petit peu d'émotion. Tu peux avoir un petit peu d'émotion dans ton savoir, tu n'es pas ajusté. Il va l'énergie. Alors, le savoir, c'est la fusion parfaite. Le savoir, la fusion parfaite, c'est le savoir. Quand t'es fusionné, t'as le savoir, puis quand t'as le savoir, t'as la fusion. Le savoir est parfait, t'es en fusion. Mais il t'appartient pas, le savoir. Puis les bribes qu'on a, c'est une direction qu'on a. C'est le mouvement vers le centre. Quand tu brises le voile, là, tu vois. Quand tu brises le voile, tu viens sur le planète, t'es fusionné instantanément. Parce que t'es capable de prendre une énergie. Quand tu descends, mais là, il t'a envoyé. C'est ça. Que fait que l'humanité rajoute plus que dans l'humanité, c'est un niveau collectif qu'elle va rajouter. L'humanité va devenir l'équivalence sur le plan collectif de ce que le Christ a été sur le plan individuel. L'humanité va amener dans le cosmos la connaissance de l'amour. Quand l'homme va voyager, visiter d'autres planètes. Pas du monde. Hein? Pas du monde. L'humanité confiante. C'est ça que le bon agir sans grand? Non. C'est pas ça d'avoir quand tu connais cette erreur, la planète de l'amour. Non, exactement. La planète de l'amour. On fera peut-être plus de pieds. Oui, c'est vrai. Tu veux dire, c'est l'autre planète ou ici? Non, non, non. Oh! Il n'y a pas de Ouais, ouais. Dans l'amour, qu'est-ce que tu fais quand tu n'as pas d'émotion? Dans l'amour de mai? C'est l'émotion, il n'y a pas d'émotion dans l'amour. C'est l'harmonie. Quand tu es conscient, c'est de l'harmonie. Il n'y a pas d'amour subjectif, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. L'amour quelque part, c'est l'amour mental. L'amour se situe là. C'est ce qui tient les affaires ensemble. L'amour, c'est ce qui tient l'univers ensemble. Ouais, la matière. La matière est maintenue ensemble. Les atomes sont maintenus en vrai par l'amour. C'est un principe d'énergie. On appelle ça une autre l'amour. C'est rendu dans le mythe. C'est un plan. Ce qui tient l'univers ensemble, c'est l'amour. Ce qui l'organise, c'est l'intelligence. Ce qui donne le mouvement, c'est la volonté. C'est ça l'esprit? La Trinité, ce que vous appelez. C'est ça l'esprit? Ça, c'est l'esprit de la Trinité. L'esprit, c'est quoi la parole ensemble? L'esprit de la Trinité. L'esprit de la Trinité. L'esprit de la Trinité. Je sais pas, il s'est pris là-dedans, mais s'il était aveugle. Il avait rien. C'est tellement de con, c'est vrai. Mais tu as dit qu'il se fait avec la meuf du temps des écrans. Là, vous me dites, c'est l'amour qui le tient tout ensemble, qui a confiance, qui le. C'est un peu de OK. Bon, je vais expliquer qu'est-ce que c'est une histoire. Tu ne coupes pas. Tu sûr qu'il n'y a pas gardé ta graine. Ça te fait Lucifer, d'abord, c'est un aide de lui. Il y a un aide de lumière, c'est un aide qui a formé une alliance dans le cosmos avec des forces de lumière. Les forces de lumière sont des intelligences qui ont voulu faire l'expérience du cosmos lui, que j'appelle une espace. C'est une ancienne femme, ça? Non, non, pas dans les C'est les pays, hein? Non, pas dans les pays. Pas avec les temps. On reviendra aux autres après. Il faut comprendre, c'est que Lucifer est un être de lumière. Il y a une trinité satanique, négative, il y a une trinité unité, il y a une trinité neutre. Alors, Lucifer et le Père représentent la volonté. Satan représente l'esprit, le fils, l'univers, Satan, comme il est. Il y a un rapport, il y a un parallèle entre la Trinité positive et la Trinité négative. Pensez au Père, le Fils et l'Esprit dans la chrétienté, le Père, le Fils et l'Esprit dans la Trinité satanique. Dans la Trinité positive, on a le Père absolu, on a le Fils et l'amour qui est le Christ, puis on a l'Esprit qui est l'intérieur. Dans la Trinité négative, vous avez Lucifer qui est l'absolu, pas l'absolu qui est le Père. Vous avez l'Antéchrist. Vous avez Satan. Puis au-dessus de cette Trinité-là, vous avez une autre Trinité. Qui est la Trinité absolue. Cette Trinité absolue, elle gère les deux autres. Elle permet l'existence des deux autres. C'est pas là ma question. Je non, mais j'y viens. J'y viens. Je vois tous ceux qui ont plus long pas dans le temps. Nous autres, on a la difficulté à comprendre que l'amour maintient l'univers quand c'est Lucifer qui le crée. Mais j'ai jamais dit que Lucifer a créé l'univers. J'ai dit que Lucifer, dans son mouvement, dans les espaces absolus, a conçu l'univers. Il l'a conçu. Puis concevoir l'univers, ça veut dire l'avoir, la projeter. Puis à ce niveau-là, quand tu projettes, tu mets la fondation pour le créer. Alors Lucifer a conçu l'univers. Lucifer. Le Père absolu. Il a compris. Il a permis. Puis l'absolu des absolus a donné son consentement. C'est celui qui est en haut. Ah. Donc, vous avez trois pères. Ah. Vous autres, on parlait d'un père. Il y en a trois pères. Mais un père, ça représente un principe éternel. Qui a différents niveaux d'absoluté. C'est un principe éternel. Un fils, c'est la même chose. Ça représente un principe éternel. Qui a différentes fonctions. Le Christ a une fonction, ce qu'on appelle le Christ, Michael de Lévadon, a une fonction. Par l'amour, de maintenir l'harmonie dans l'univers. Satan aussi a une fonction. C'est de créer la désharmonie dans l'univers. Deux fonctions opposées, bien essentielles. Mais, dans la Trinité absolue, tu as un père, tu as un fils, l'amour qui fait l'intelligence. Ils ne sont pas réveillés à l'homme, puis ils ne sont pas réveillés à l'homme pour un bout de temps. C'est voyant, ça. Mais dans cette trinité absolue-là, tu as un fils aussi qui permet la polarité des deux êtres. Comme tu as un principe d'intelligence qui permet la polarité des deux, des deux autres. Comme dans l'univers, tu as de l'intelligence négative, puis tu as de l'intelligence créative. Les deux sont essentiels. Les hommes en évolution, eux, passent par les phares.